الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وزدنا علما ونعوذ بك من حال أهل النار اللهم واجعل نياتنا خالصة لوجهك الكريم La louange est à Allah, le Seigneur des mondes, que Allah honore et élève davantage le rang de notre maître Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et qu'il préserve sa communauté de ce qu'il craint pour elle. Nous demandons à Allah qu'il nous fasse apprendre ce que nous ignorons, qu'il nous fasse nous rappeler ce que nous avons oublié et qu'il nous augmente en connaissance. Et nous lui demandons de nous préserver de l'état des gens de l'enfer. Nous demandons à Allah qu'il fasse que nos intentions soient sincères par recherche de son agrément. كنا بدأنا في المرة الماضية في ذكر شيئا من النصائح نصائح للزوجة للسعادة الزوجية. Nous avons vu la fois passée quelques conseils concernant le bonheur dans la vie conjugale. Nous allons poursuivre si Dieu le veut. من ذلك أن المؤلف قال إياك أن تنكري إحسان زوجك لمجرد أنه أساء إليك مرة أو أكثر أو فيما تظنين أنه أساء وهو لم يفعل فتحرقي قلبه وتصيري بذلك ملعونة مغضوبا عليها تستحقين دخول النار. Surtout, ne renie pas le bienfait de ton mari, du simple fait qu'il a mal agi avec toi une fois, ou deux fois, ou plus. Ou peut-être ce que tu penses toi être un mauvais comportement, alors que, selon la loi de l'islam, ça n'en est pas un. Tu lui briserais ainsi le cœur, et tu deviendrais sujette à malédiction, méritant le châtiment de l'enfer. وتذكري أن إنكار إحسان الزوج من أسباب دخول النار. Rappelle-toi que parmi les causes de l'entrée en enfer, il y a le fait de renier le bienfait du mari. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للنساء يا معشر النساء تصدقنا فإني أريتكن أكثر أهل النار وما ذاك إلا لأنهن يكثرن اللعنة ويكفرن العشير وهما ذنبان كبيران. Ainsi, le messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam, s'adressant aux femmes, a dit un jour: ô vous les femmes, faites des aumônes, car j'ai vu que vous alliez être nombreuses en enfer. Pourquoi? Parce que elle multiplie les paroles de malédiction et elle renie le bienfait du mari. Et ce sont deux grands péchés. أولاده وأولادك اعتبريهم كالأمانة في عنقك فأدي حق الله فيهم وراقبيهم وأرشديهم وأبعديهم عما يفسدهم وعن صحبة الأشرار والفساق. Ses enfants et tes enfants, considère-les comme un bien qui t'a été confié. Acquitte-toi de ce que Dieu a ordonné de faire concernant les enfants. Surveille-les, guide-les, éloigne-les de ce qui peut les corrompre, comme la compagnie des pervers, de ceux qui sèment le mal. وَعَوِّدِيهِمْ صُحْبَةَ الْأَخْيَارِ الذين يذكرونهم بآخرتهم لا بدنياهم. Et habitue vos enfants à rechercher la compagnie des gens de bien, qui leur rappellent l'au-delà et non pas le bas monde. وعلميهم أن المرأة يعلو شأنه بتقوى الله. المرء يعلو شأنه بتقوى الله وكثرة الطاعات la bikathrat al-mal wal-jah. Enseigne aux enfants que la personne, son degré est élevé par la piété à l'égard de Allah, par le grand nombre d'actes d'obéissance, et non pas par la grande fortune ni le grand pouvoir. وعلميهم أن الدنيا دار ممر كممر المسافر لا دار قرار وأن العمر يمضي بسرعة وأن المرأة لا يدري متى يفاجئه الموت في صغر أم كبر وأن ما ينفعه في قبره العمل الصالح. Enseigne aux enfants également que le bas monde est un passage, comme un chemin qu'emprunte un voyageur, et ce n'est pas une résidence de séjour éternel. Et que l'âge passe vite, la vie passe très très vite, et que la personne ne sait pas quand est-ce que la mort va le surprendre, que ce soit en étant jeune ou en étant âgé, et que ce qui est profitable pour lui dans sa tombe, ce sont les bonnes œuvres. إياك أن تدخل داره من لا يحب دخوله إليه. Garde-toi d'introduire dans la maison de ton mari quelqu'un qui n'aimerait pas qu'il vienne. وإياك أن تنامي وهو ساخط عليك. Et garde-toi de passer la nuit alors qu'il n'est pas satisfait de toi. إياك أن تمنعيه من نفسك من غير عذر شرعي. Garde-toi de l'empêcher de jouir de toi selon, sans que tu aies d'excuses valables. Ilbasi min athiyabi ma yu'jibuhu wa rattib al-aghrad kama yuhibbu wa da'iha haythu yuhibb. Mets les vêtements qui lui plaisent à lui et organise la maison tout comme il aime qu'elle soit et place les objets là où il veut qu'ils soient. تزيني له دائما بما يحب وتطيبي له دائما بما يحب فلا يشمن منك إلا طيب ريح ولا تقع عيناه منك على قبيح. Fais-toi belle pour ton mari tout le temps par ce qu'il aime. Parfume-toi et fais les odeurs de sorte qu'il ne sente pas de toi une odeur qui ne lui plaise pas. Et de sorte que son regard ne tombe pas sur toi pour voir quelque chose de laid. Iltafiti ila waqti ta'amihi wa manamihi wa at'imihi kama yuhibbu ma yuhibbu wa la tuhaddithihi 'inda ta'amihi aw nawmihi bima yakrah. Fais bien attention au moment de ses repas et au moment de son repos. Donne-lui à manger comme il veut, ce qu'il veut, et ne lui promets pas, n'engage pas de conversation au moment de manger ou au moment de dormir en évoquant des sujets qu'il n'aime pas évoquer. تذكري قصة المرأة الصالحة التي مات ولدها وزوجها غائب عن البيت فلما رجع أخفت ذلك عن زوجها وقدمت له الطعام فأكل ثم عرضت نفسها عليه فقضى حاجته منها ثم أخبرته فشكاها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأثنى عليها ولم يذم بها. Souviens-toi du récit de cette femme vertueuse dont le fils était mort pendant l'absence de son mari. Elle avait un nourrisson, un bébé qui était mort alors que son mari n'était pas à la maison. Quand il est revenu, elle ne lui a pas tout de suite dit la mauvaise nouvelle. Elle lui a présenté le repas. Il a mangé. Elle s'est faite belle pour lui. Il s'est satisfait d'elle. Puis, quand ils ont fini, elle lui a annoncé la nouvelle. Alors, il est parti se plaindre au messager de Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Mais le messager de Allah a fait l'éloge de cette femme et ne l'a pas blâmée. احفظي له ما له بحسن التدبير والاقتصاد ولا تظهر الفرح بين يديه إن كان مغتما ولا تظهر الاغتمام بين يديه إن كان مسرورا. préserve-lui ses biens, son argent, avec une bonne gestion et de l'économie. Ne manifeste pas ta joie alors que lui, il est chagriné. Et ne manifeste pas de chagrin quand lui, il est heureux. وَتَذَكَّرِ قَوْلَ أُمٍّ لِبْنَتِهَا لَنْ تَنَالِي مِنْهُ مَا تُرِيدِينَ حَتَّى تُؤْثِرِي هَوَاهُ عَلَى هَوَاكِ وَرِضَاهُ عَلَى رِضَاكِ. Et rappelle-toi la parole d'une femme qui donnait le conseil à sa fille. Elle lui a dit, tu n'obtiendras de ton mari ce que tu veux que si tu priorises son avis à lui, ses choix à lui sur tes propres choix à toi, et sa satisfaction à lui sur ta satisfaction à toi. لا تكوني كثيرة الشكوى والأنين واصبري تزدادي جمالا في نظري. Ne fais pas en sorte que tu te plaignes tout le temps et que tu gémisses et patiente, tu seras encore plus belle à ses yeux. إن أحسنت إليه فلا تكوني منانة فينفر قلبه منك. Si tu agis en bien avec lui, ne rappelle pas tes œuvres de bien envers lui, parce que son cœur va s'éloigner de toi. Si à chaque fois tu lui dis, tu te rappelles, je t'ai fait telle chose, je te rappelle, je t'ai fait telle chose. وَلَا تَكُونِي كَثِيرَةَ الطَّلَبَاتِ لِتُحَمِّلِيهِ مَا لَا يَحْتَمِلُ. Et ne sois pas de celles qui demandent tout le temps des choses à son mari, de sorte à ce qu'il ne soit plus, il ne soit dépassé. إياك أن تخرجي من بيته دون إذنه فقد يأذن لك اليوم وغدا لا يأذن. Surtout ne sors pas de sa maison à lui sans son autorisation. Il se peut qu'il te l'autorise aujourd'hui et que demain il ne te l'autorise pas. ولا تطيلي غيابك عن البيت لغير الضرورة فالمطلوب منك ملازمة البيت ورعايته ورعاية أهله. Et ne prolonge pas ton absence du foyer lorsqu'il n'y a pas de nécessité. Ce qui est requis de ta part, c'est de rester à la maison et de veiller sur ton mari et de veiller sur sa famille. إِيَّاكِ أَنْ تَتْرُكِ فَرَاغًا فِي بَيْتِكِ بَحْثًا عَنْ شَهْوَةِ نَفْسِ. Surtout, ne laisse pas un temps libre chez toi pour satisfaire tes passions, tes mauvais penchants. وَاشْتَغِلِي بِمَا يَعْنِيكِ وَاتْرُكِي مَا لَا يَعْنِيكِ. Occupe ton temps par ce qui est utile pour toi et n'occupe pas ton temps par des choses qui ne sont pas utiles. وَاتْرُكِ الظُّنُونَ وَالشَّكْوَى وَالشُّكُوكَ الَّتِي فِي غَيْرِ مَحَلِّهَا الَّتِي تَهْدِمُ لَكِ بَيْتَكِ. Et écarte de ton esprit des mauvaises pensées et les doutes à propos de ton mari, des doutes qui ne sont pas, qui sont déplacés, parce que cela va te détruire ton foyer. من كان ينفعك في دينك فصاحبيه ومن لا فابتعدي عنه خصوصا من يشغلك بالغيبة وإثارة القلاقل. La personne qui t'est utile, qui t'est profitable pour ta religion, recherche sa compagnie. Et celle qui n'est pas profitable pour toi dans ta religion, éloigne-toi de cette personne. Surtout, celle qui va t'occuper à faire la médisance et à provoquer des zizanies. لا تكلمي زوجك كمن يحاكمه لمجرد شك أو ظن في أمر لا يعجبك فيؤدي ذلك إلى نفور منك. N'adresse pas ta parole à ton mari comme si tu étais un juge du simple fait que tu as douté ou tu as eu une mauvaise pensée à propos d'un sujet qui ne te plaît pas. Car cela va amener ton mari à te fuir. ولا تبحثي في أغراضه بدون إذنه لإرضاء شهوة نفسك التي في غير محلها. Ne regarde pas dans les affaires de ton mari sans son autorisation, pour satisfaire tes penchants qui ne sont déplacés. الأمر الذي قد يهدم بيتك وأنت لا تشعرين. Chose qui peut mener à détruire ton foyer sans que tu t'en aperçoives. إن أديت ما عليك والتزمت بما قلت لك كان ثقتك بنفسك كافية لردعك عن مثل هذه الأمور والشكوك والظنون التي تنغص عيشك وتهدم بيتك وإلا فلا تلومي إلا نفسك. Si tu t'acquittes de tes devoirs et que tu t'attaches au conseil qui vient de t'être donné, ta confiance en toi sera grande. Elle sera suffisante pour t'éloigner de pareilles choses, de pareils doutes, de pareilles pensées qui te pourrissent la vie et qui détruisent ton foyer. Sinon, tu ne t'en prendras qu'à toi-même. لقد هدمت وخربت الغيرة كثيرا من البيوت. La jalousie a détruit et ruiné beaucoup de foyers. ولو عمل الواحد منا بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه لارتحنا كثيرا. Et si nous avions, si chacun d'entre nous avait appliqué le hadith du messager de Allah صلى الله عليه وسلم, qui signifie c'est une preuve d'un bon attachement, d'un fort attachement à la religion de la part de la personne, que de délaisser ce qui ne la concerne pas. Si nous appliquions ce hadith, nous serions soulagés de beaucoup de problèmes. لا تقولي نساء الرسول كنا يغرن أنا أيضا أغار أين أنت من نساء رسول الله وأين زوجك من رسول الله. Ne dis pas, même parmi les épouses du prophète, elles avaient de la jalousie, alors moi aussi je vais éprouver de la jalousie. Tu es loin à te comparer avec les épouses du messager de Allah et ton mari est loin d'être comparable au messager de Allah. وتذكري جيدا أن هذا ليس عذرا لك للغيرة التي تؤدي بك إلى مخالفة الشرع. فقدوتنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وميزاننا شرع الله. Rappelle-toi bien que ce n'est pas une excuse de ta part que de faire preuve de jalousie envers ton mari. Chose qui t'entraîne à délaisser l'application de la loi de l'islam. Car notre modèle, notre exemple, c'est le messager de Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Et notre balance, notre référence, c'est la loi de Allah, la sharia. وَذْكُرِي قَوْلَ سَيِّدِنَا عَلِيٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لَيْسَ الْحَقُّ يُعْرَفُ بِالرِّجَالِ وَلَكِنَّ الرِّجَالَ يُعْرَفُونَ بِالْحَقِّ. Et rappelle-toi la parole de notre maître Ali, que Allah l'agré, la vérité n'est pas connue par les hommes, mais ce sont les hommes qui sont connus par la vérité. C'est-à-dire, par la vérité, par les règles correctes, tu arrives à distinguer les gens, qui est bon, qui n'est pas bon. Mais ce n'est pas parce qu'un tel a dit telle chose que forcément, c'est quelque chose de bon. وَاسْتَغِلِّي مَحَبَّةَ زَوْجِكِ لَكِ فِي طَاعَةِ اللَّهِ وَلَا تُبْعِدِيهِ عَنْكِ بِمَا يَكْرَهُ. Et profite de l'amour que ton mari éprouve envers toi dans l'obéissance à Allah et ne l'éloigne pas de toi en faisant des choses qu'il déteste. إِيَّاكِ ثُمَّ إِيَّاكِ أَن تَطْلُبِ الطَّلَاقَ مِنْهُ بِدُونِ عُذْرٍ شَرْعِي فَتَقَعِي فِي كَبَائِرِ الذُّنُوبِ. Garde-toi de demander le divorce de lui sans excuse valable dans la loi de l'islam, car tu tomberas ainsi dans un grand péché. فليس لك عذر أن تطلب الطلاق لأنك تشعرين بالنفور منه أو لأنه تزوج غيرك أو لأنك تغارين أو لأنه لا يكثر من قضاء حاجتك أو لأنه كثير النوم كثير الأكل قليل الحركة. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما امرأة سألت زوجها الطلاق في غير ما بأس فحرام عليها ريح الجنة. Donc tu n'as pas d'excuse à demander à ce que ton mari te divorce parce que tu n'es pas attiré par lui, ou parce qu'il a épousé une autre femme que toi, ou parce que tu es jalouse de lui, ou parce qu'il ne se satisfait pas beaucoup au lit, ou parce qu'il dort beaucoup, ou parce qu'il mange beaucoup, ou parce qu'il ne bouge pas beaucoup. Le messager de Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit ce qui signifie toute femme qui demande à son mari qu'il la divorce, alors qu'il n'y a pas d'excuse valable, ne sentira pas l'odeur du paradis. Ça veut dire que c'est un grand péché. Intabihi wa zini a umuraki bimizan shar'i, la bimizan al-hawa. Fais bien attention. Pèse les choses par la balance de la loi de l'islam et pas par tes passions, tes penchants. فإياك ثم إياك إن جلب لك طعاما أو ثيابا أو نحو ذلك أن تتأففي لأن الطعام ليس كما تريدين والثياب ليس كما تشتهين والسيارة ليست كما تحبين إما أن تأكلي وتشكري أو تسكتي وتحمد الله على كل حال. Garde-toi si jamais il te ramène de la nourriture ou des vêtements ou quelque chose d'autre, de ne pas de manifester ta non-satisfaction, ton insatisfaction. Car la nourriture n'est pas comme tu le souhaites, ou parce que les vêtements ne sont pas comme tu les désires, ou parce que la voiture n'est pas comme tu l'aimes. Soit tu manges et tu remercies, soit tu te tais, et dans tous les cas, tu remercies Dieu. « Ihmadillah ala ma anti fihi minan ni'am, wa tadakkari qawlahu alayhi salam » Man lam yashkur an-nas lam yashkur Allah. Remercie Allah pour les bienfaits que tu as. Et rappelle-toi la parole du prophète alayhi salatu wassalam qui signifie celui qui ne remercie pas les gens, il n'aura pas remercié Dieu. C'est-à-dire que le remerciement complet à Dieu passe par le remerciement des gens. Wa iyyaki an taksuri qalbahu ma'a annahu ahsana ilayki bima jalaba laki. Et surtout, ne lui brise pas le cœur, ne brise pas le cœur de ton mari, alors qu'il a agi en bien en t'offrant quelque chose. قولي له بارك الله فيك وجزاك عني كل خير. بدل أن تقولي ما هذا الطعام يوجد أجود منه، ما هذا اللباس يوجد أحسن منه، ما هذه السيارة يوجد أحدث منها، ما هذا المكان الذي جلبتني إليه للنزهة يوجد أحلى منه. فإنك إن فعلت ذلك كسرت قلبه ونفر منك. Dis-lui, quand il te fait un bien, il t'offre quelque chose, que Dieu te bénisse, que Dieu te donne des bénédictions, que Dieu te rétribue pour moi en bien, au lieu de lui dire, qu'est-ce que tu m'as ramené là comme nourriture? Il y a une nourriture de meilleure qualité. C'est quoi ce tissu que tu m'as racheté ou ce vêtement que tu m'as ramené? Il y a encore meilleure qualité que ça. C'est quoi cette voiture que tu as achetée? Il y a encore des voitures plus récentes. Où tu m'emmènes là pour se promener? Il y a des endroits encore plus beaux que cet endroit-là. Parce que si tu fais cela, tu lui auras brisé le cœur et tu vas entraîner la répulsion de sa part. Il va te fuir. كوني له من خير النساء وهي التي تسره إذا نظر وتطيعه إذا أمر ولا تخالفه في نفسها بما يكره. Sois parmi les meilleures des femmes, celle qui, lorsque il voit son épouse, elle lui réjouit le cœur, il est heureux quand il la voit, et quand il lui demande quelque chose, elle lui obéit et elle ne le contredit pas par quelque chose qu'il déteste. Kuni aunan lahu la alayhi, soit une aide pour lui et non pas contre lui. Wahfadhi nafsaki fi ghaibatihi wa hafidhi lahu ala malihi. Préserve-toi en son absence et veille sur ses biens. La tukallimi zawjaki bi sighati al-amiri. Ne parle pas à ton mari comme si tu étais un donneur d'ordre. وكلميه بصيغة المترجي المنكسر. Adresse-toi plutôt à lui, à l'image de celui qui est humble et qui demande en suppliant à un autre. فأن ذلك لا ينقص من قدرك بل يرفعك. Cela ne va pas baisser ton niveau, au contraire, il va t'élever. Ce ne va pas baisser ton degré, cela va t'élever. قولي له لو جلبت لنا كذا وكذا. لو أخذتنا إلى مكان كذا من غير إلزام له وتهديد وتوعد. Quand tu dis lui, si tu pouvais nous amener telle et telle chose, ça serait bien. si tu pouvais nous emmener à tel endroit sans le contraindre, sans le menacer. لا تحملي نصائحي على أنها إنكار لإحسانك وفضلك فالأمر ليس كذلك. Ne comprenez pas ces conseils comme si celui qui vous donne le conseil reniait la bienfaisance et le mérite, car il n'en est pas ainsi. إن أردت الانتفاع بكلام هذا كما ينبغي كرري سماعه وقراءته دائما بإمعان وتفكر وعلميه غيرك والله الموفق للصواب. Si tu voulais profiter de ces paroles comme il convient, alors écoute-les à plusieurs reprises, lis-les à plusieurs reprises et avec attention, avec méditation, et enseigne-les à d'autres que toi, et c'est Allah qui accorde la réussite. وَتَذَكَّرِ دَائِمًا أَن تَزِنِي أُمُورَكِ بِمِيزَانِ الشَّرْعِ فَلَا تَطْلُبِ مَا لَيْسَ لَكِ أَن تَطْلُبِهِ مِنَ الْأَشْيَاءِ الثَّمِينَةِ وَنَحْوِهَا وَتَعَلَّمِ مَا هِيَ حُقُوقُ الزَّوْجَةِ وَمَا هِيَ حُقُوقُ الزَّوْجِ. Rappelle-toi toujours de peser tes comportements, tes paroles, ce que tu fais, par la balance de la loi, de sorte à ne pas demander ce à quoi tu n'as pas droit, parmi les choses qui sont chères et ce qui est de cet ordre. Apprends quels sont les droits de l'épouse et quels sont les droits de l'époux. إن أحسنت إلى زوجك فأحسن له لله لا مراءة. Si tu agis en bien avec ton mari, fais-le pour rechercher l'agrément de Dieu, et non pas par insincérité. وَلَا تَطْلُبِ بِذَلِكَ مَدْحَهُ وَالثَّنَاءَ عَلَيْهِ وَلَا تَطْلُبِ مَدْحَ أَهْلِهِ مَدْحَ أَهْلَهُ. Et ne recherche pas par ton bon comportement l'éloge de ton mari, ou qui te remercie. Et ne recherche pas non plus l'éloge de sa famille. لَا تَطْلُبِ الْخَادِمَةَ لِغَيْرِ ضَرُورَةٍ فَتُفَوِّتِ عَلَى نَفْسِكِ ثَوَابَ خِدْمَةِ الزَّوْجِ وَأَهْلِهِ. Ne demande pas à avoir une aide à la maison sans nécessité, parce que tu vas rater ainsi la récompense d'être toi-même au service de ton mari et de sa famille. وَتَذَكَّرِي قَوْلَ اللَّهِ تَعَالَى إِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ وَإِنْ أَسَأْتُمْ. Rappelle-toi la parole de Allah dans Sourate al-Isra, le verset numéro 7, qui signifie: si vous agissez en bien, vous agissez en bien pour vous-même, c'est-à-dire c'est vous qui allez en profiter. Et si vous agissez en mal, c'est vous-même qui allez subir les préjudices. إن عودت نفسك وأهلك القناعة بالقليل من الرزق والاقتصاد في المعيشة عشت سعيدة. لأن الذي لا يعود نفسه على ذلك إن دارت به الأيام وتقلبت به الأحوال من الغنى إلى الفقر يتنكد عيشه ويكثر همه وقد يمد يده إلى الحرام ويترك الصدقة على إخوانه خوفا على نفسه من الفقر وقلة التنعم. Si tu t'habitues toi-même et tu habitues ta famille à te suffire du peu de subsistance, à faire des économies dans vos dépenses, alors tu vas vivre heureuse. Tu vas vivre heureuse. Car celui qui ne s'habitue pas à cela, à l'économie, au peu de subsistance, si jamais les choses changent et que, au lieu de sa richesse, il va devenir pauvre, il sera extrêmement chagriné, tourmenté, et il se peut qu'il tende la main vers ce qui est interdit. Il se peut qu'il cesse de faire des aumônes à ses frères, par crainte pour lui-même de la pauvreté et du peu de superflu. التنعم مكروه لا خير فيه. Le superflu, il est déconseillé, il ne comporte pas de bien. وتركه شيمة الأنبياء والصالحين. Et délaisser le superflu, c'est la caractéristique des prophètes et des vertueux. فَهُمْ أَزْهَدُ النَّاسِ فَقِيرُهُمْ وَغَنِيُّهُمْ. Les prophètes et les vertueux sont les gens les plus ascètes, les plus détachés du bas monde. Ceux qui étaient riches parmi eux et ceux qui étaient pauvres parmi eux. وأموالهم يصرفونها في طاعة الله لا في شهوات أنفسهم. Les biens qu'ils avaient, ils les dépensaient dans la voie que Allah agrée, non pas pour satisfaire leur passion. عودي نفسك أن تري ما تقدمينه لزوجك قليلا بالنسبة لما يقدمه لك فهو أعظم الناس حقا عليك. Habitue-toi toujours à considérer que ce que tu fais pour ton mari est négligeable par rapport à ce que lui il fait pour toi. Parce que ton mari est la personne qui a le droit le plus éminent sur toi. إياك أن تصرخي على أولادك وتشتميهم بغير حق أو أن تضربيهم بغير حق. Surtout, ne crie pas sur les enfants, ne les insulte pas injustement, ne les frappe pas injustement. وإن فعلتي فتوبي واندمي ولا تستحي من طلب السماح منهم. Si jamais tu commets un péché et tu te comportes mal, alors fais-le repentir. Regrette ce que tu as fait et n'aie pas honte de demander à ce qu'il t'excuse. وكما أنصحك بترك المحرمات أقول لك اترك المكروهات. Tout comme le conseil est de délaisser les péchés, il convient aussi de délaisser les choses déconseillées. اترك الأرجيلة والسجائر واترك كل ما له رائحة كريهة تزعج الزوج وتضيع المال في غير محله. Il y a des femmes qui fument, certaines font le narguilé. Donc le conseil, c'est de délaisser les choses qui ont une mauvaise odeur, qui dérangent le mari et qui font perdre l'argent. لا يقول لا تغرقي نفسك بالديون لأجل ما تعودتيه من التنعم. ne t'habitue pas à être endetté pour conserver le superflu. وكوني كما يقولون في المثل يعني على قد بساطك مدرج ليك يعني soit comme le dit un proverbe, tu tends tes jambes à hauteur de ton tapis. يعني ne dépasse pas tes limites. Ne dépasse pas tes capacités. وإن كان ولا بد تريدين التنعم فلا تفعليه أمام أولادك لأنهم يقتدون بك. Et si jamais vraiment c'est plus fort que toi, tu recherches un superflu, fais en sorte de ne pas en profiter devant tes enfants, parce que tu es un modèle pour eux, ils vont te suivre. فكوني لهم قدوة في الخير ولا في غير ذلك. Sois pour tes enfants un modèle pour le bien et pas pour autre chose. إن أهنت زوجك أمامهم فأهانوك بعد ذلك ولم يحترمونك. Si tu humilies ton mari ou tu ne le respectes pas devant eux, alors ils vont faire la même chose avec toi, ils ne vont pas te respecter. فتذكري أن هذا من الأسباب المؤدية لذلك. Souviens-toi que ceci est une cause qui entraîne cela. وتذكري أن من الأسباب التي تؤدي بهم إلى ذلك كثيرا كثرة مشاهدتهم للتلفزيون والإنترنت لما فيهما من المفاسد الكثيرة والمخاطر المهلكة. Et rappelle-toi aussi que parmi les causes qui mènent à ne pas te respecter, souvent, c'est le fait de trop regarder la télé et les vidéos sur Internet en raison de mauvaises choses que cela comporte et des dangers qui mènent à la perte. عودي أولادك قراءة شيء من القرآن بدل التلفزيون ولا تكثري أنت من مشاهدة التلفزيون في الصباح والظهر والمساء فيتبعونك في ذلك. Habitue tes enfants à réciter un peu de Coran au lieu de passer le temps à regarder la télé. Et toi-même ne regarde pas trop la télé matin, midi et soir parce qu'ils vont te suivre sur cela. إياك أن تعاندي الحق عند سماع النصيحة لأنك غاضبة من زوجك لأنه ينصحك أمام الناس فصعب على نفسك ذلك. Surtout, ne t'entête pas contre la vérité. Ne t'entête pas contre la vérité lorsque tu entends le conseil, parce que tu es sur un moment de colère, en colère contre ton mari, et qu'il est en train de te donner le conseil devant les gens et que ceci, ton ego ne supporte pas cela. ولا تسفه رأي زوجك وتحقريه خصوصا أمام الناس. Ne discrédite pas l'opinion de ton mari et ne le rabaisse pas, surtout devant les gens. واختار الوقت المناسب لتقديم النصيحة له ليكون قبولها سهلا. Et choisis le moment opportun pour donner le conseil à ton mari pour que l'acceptation soit plus facile. إياك أن تشوش عليه في صلاته بالصراخ ونحوه فالتشويش عليه حرام حتى وإن كان نائما لا يجوز لك أن تشوش عليه بذلك فانتبه. Ne dérange pas ton mari quand il est en train de faire la prière en poussant des cris, en criant ou ce qui est de cet ordre. Car le déranger quand il fait la prière est interdit. Et même s'il est endormi, il fait la sieste, ou il ne t'est pas autorisé, c'est interdit de le déranger par des cris. Alors fais bien attention à cela. هذه النصيحة عملا بقوله صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة فاقبل النصيحة وحاسب نفسك قبل أن تحاسبي والله الموفق للصواب. Ce conseil est une application du hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui signifie « Donner le conseil fait partie intégrante de la religion. » Alors, accepte le conseil, demande des comptes à ton âme avant d'avoir à en rendre compte au jour du jugement. Et c'est Allah qui accorde la réussite. قال الله تبارك وتعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. Dans sourate Al-Ahzab, le verset 21, Allah nous apprend que nous avons en la personne du messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam un excellent modèle. Un modèle pour ceux qui espèrent le paradis, qui recherchent la récompense de la part de Dieu et qui espèrent gagner au jour du jugement et qui a évoqué beaucoup Allah. Wa qala sayyiduna wa habibuna wa qudwatuna Rasulullah Muhammad salawatu rabbi wa salamuhu alayhi wa ala jami'i ikhwanihi al-anbiya'i wal-mursalin la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bihi. Et notre maître, et notre bien-aimé, et notre modèle, le messager de Allah, Muhammad, que Allah l'honore et l'élève davantage en degré, lui ainsi que tous ses frères prophètes et envoyés, a dit ce qui signifie « L'un de vous n'atteindra un degré de foi complète que lorsque il fait soumettre les passions de son âme à la loi que j'ai amenée, à la loi de l'islam. » La personne atteindra le degré de foi complète que si elle soumet ses penchants à la loi de l'islam. فعلى العاقل أن يتأمل ما جاء في هذه الآيات والحديث من حال المؤمنين الكاملين المسلمين لربهم العاملين بأوامره والمقتدين برسول الله اقتداء كاملا المتبعين ما أمر الشرع به المؤثرين لطاعة الله على شهوة أنفسهم وآرائهم وملذاتهم الخاصة فلا يلتفتون إلى حظوظ أنفسهم وميلها إلى الشهوات الزائدة الفانية. Donc celui qui met en pratique ces conseils, ce qui est parvenu dans le Coran, dans le Hadith, il va prendre pour exemple le cas des croyants accomplis. Ceux qui se soumettent à Dieu, ceux qui font ce qu'il leur a ordonné et qui suivent le messager de la manière parfaite, qui suivent ce que la loi de l'islam a ordonné, qui préfèrent l'obéissance à Dieu au détriment de leurs penchants et de leurs opinions et de leurs désirs. Ils ne prêtent pas attention à leur propre personne et aux penchants de leur personne, des penchants vers des choses qui, somme toute, sont éphémères. فَالذَكِيُّ الْعَاقِلُ الفاطن هو الذي يسرع إلى تنفيذ ما أمر الله به سواء انكشفت له الحكمة من تلك الأوامر أو لم تنكشف. Le croyant qui est intelligent, c'est celui qui s'empresse d'exécuter ce que Allah lui a ordonné. Qu'il ait eu la sagesse dans ce qu'il a reçu comme ordre de faire, ou qu'il n'ait pas vu de sagesse. C'est-à-dire, même si la sagesse lui est inconnue, il n'a pas connu la sagesse, l'intelligence est celui qui s'empresse d'appliquer. وَيَعْتَقِدُ اَعْتِقَادًا جَازِمًا بِلَا أَدْنَى تَرَدُّدٍ أَنَّ نَجَاحَهُ وَفَلَاحَهُ وَسَعَادَتَهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ هِيَ بِتَقْوَى اللَّهِ. Et il a la croyance certaine, catégorique, qui ne comporte aucune hésitation, aucun doute, que sa réussite, sa victoire, son bonheur, dans le bas-monde et dans l'au-delà, et dans le fait d'être pieux à l'égard de Allah, dans la piété à l'égard de Allah. ولذلك النصيحة أن يسرع النساء إلى الوقوف عند حد الشرع الشريف وأن لا يلتفتن إلى ما يزينه لهن الشيطان والكافرون من الإنس من التفلت والخروج على أحكام الشريعة بدعوى تحرر المرأة أو التقدم أو الحضارة أو ما يسمى بحقوق المرأة تحت شعارات مزيفة يريدون منها للمرأة المسلمة أن تعارض القرآن. C'est pour cela que le conseil aux femmes, c'est de s'empresser, de s'arrêter aux limites de la loi honorée. Et de ne pas prêter attention à ce que le shaitan embellit. Et les mécréants parmi les humains embellissent comme dépravation, comme contradiction avec les lois de l'islam, sous prétexte d'émanciper la femme, ou sous prétexte de développement, ou de civilisation, ou ce qu'ils appellent les droits des femmes, sous des devises et des titres qui sont maquillés, qui sont trompeurs, dont, par lesquels les ennemis de l'islam ne recherchent que faire sortir la femme musulmane de sorte à ce qu'elle contredise le Coran. بأن تستحل ما حرم الله أو تعترض على أوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بحجاب المرأة وأمر تعدد الزوجات وأمر عقد النكاح الصحيح بولي الأمر والشاهدين وأمر سن الزواج والحضانة ومسألة المصافحة والخلوة وخروج المرأة من بيت زوجها بغير إذنه بغير حق وتجرئة الزوجة على زوجها بالظلم والسفه والعدوان وما يسمى بالمساواة بين الرجل والمرأة مطلقا في كل الأمور والأحوال وتحت مسميات كثيرة وعناوين متعددة يريدون للمرأة أن تكون مبتذلة مهانة رخيصة بدليل ما نراه في وسائل الإعلام بكل أنواعها. Donc l'objectif de ceux qui essayent de miner le terrain, c'est d'amener la femme musulmane à contredire le Coran, de sorte à ce qu'elle se rende licite ce que Dieu a interdit, ou à émettre des objections contre les ordres du messager de Allah, sallallahu alayhi wa sallam, concernant le voile pour la femme, concernant le fait d'avoir plusieurs épouses, concernant le fait que le contrat de mariage valable nécessite un tuteur et deux témoins, concernant l'âge du mariage, concernant l'éducation de l'enfant, concernant le fait de serrer peau contre peau, une ajnabiya, avec la main, concernant la khalwa, concernant la sortie de la femme de sa maison, de la maison de son mari, sans son autorisation, injustement, sans nécessité. Le fait aussi d'encourager la femme à être injuste envers son mari, à ne pas le respecter, ou à ce que certains appellent l'équivalence entre l'homme et la femme dans l'absolu, dans toute chose et dans toute situation, ou d'autres titres nombreux qui, par lesquels ils veulent faire que la femme soit, en fait, de compte, rabaissée et juste un objet, tout comme on le voit dans plusieurs médias. فَمَثَلًا إِذَا أَرَادُوا بَيْعَ حِذَاءٍ يُعَرُّونَ الْمَرْأَةِ. Par exemple, quand ils veulent vendre, ils font la publicité pour vendre une paire de chaussures, ils montrent une femme quasiment toute nue. Et c'est devenu juste un objet. Est-ce que c'est ça le développement? C'est ça la civilisation? يُعَرُّونَ الْمَرْأَةَ وَيَدَعُونَهُ عَلَى ظَهْرِهَا. وَإِذَا أَرَادُوا بَيْعَ مَا يُسَمَّى الْمَكِيَاجُ وَمُحَمَّرَ الشَّفَتَيْنِ تَرَاهُمْ يَضَعُونَ طَرْفَ حِذَاءٍ أَحْمَرَ في فمها ليروج بيع هذا الطلاء أنه على شفتيها وبلون حذائها. Il montre, un certain moment, font la promotion de leurs produits qu'ils veulent vendre, mais en réalité, c'est un rabaissement pour la femme. Il montre que je sais, l'auteur explique, il dit, s'ils veulent faire la publicité d'un maquillage ou d'un rouge à lèvres, et il montre qu'elle a des chaussures de même couleur, il met la chaussure sur sa bouche. فهل هذه هي حقوق المرأة المزعومة؟ Est-ce que ce sont là les droits des femmes? يعني في recherche. وهل هذه هي كرامة المرأة المدعاة؟ C'est ça l'honneur de la femme qu'il recherche. وأكثر من ذلك يطلبون من حتى في بعض الدعايات يطلبون من المرأة أن تقوم بأدوار أشبه ما يكون بأفلام الدعارة. وأشد من ذلك وأكبر منه تجرئتها على الزنا وتحريضها على البغاء باسم الحب والعشق والغراميات مما نشاهده ونسمع عنه من أحداث ومصائب وبلايا في كثير من الجامعات والثانويات والمعاهد والمدارس. Et pire encore, il y a ce que le fait d'encourager les femmes à commettre la fornication sous prétexte de l'amour ou des histoires dont on entend parler dans les universités, dans les lycées ou autres. ومما يجري في أكثر المجتمعات المتفلتة في الغرب والشرق من أن بعض الشابات تحمل الواحدة منهن من الزنا بعد التنقل من شاب إلى آخر وبعد مرور عشرات الشباب عليها بحيث تصير لا تعرف الحمل ممن ولمن وكأنها تريد أن تعمل قرعة نسبة الولد للزاني الذي يطلع اسمه وبذلك جعلوها مهانة مبتذلة. Ce qui fait que certains ont fait en sorte que la femme passe d'un partenaire à un autre en commettant la fornication avec plusieurs personnes, puis si elle tombe enceinte, c'est comme si elle ne sait pas de qui est l'enfant. Tout cela fait en réalité que la femme n'est plus respectable, n'est plus respectée par cette manière-là. C'est devenu juste un objet de plaisir pour certains, et il passe son temps et après il passe à autre chose. Est-ce que c'est ça l'honneur voulu pour la femme sous prétexte de développement? وبعد كل هذه القدرات يتكلمون باسم الدفاع عن المرأة على زعمهم. Après toutes ces choses viles, certains osent parler après cela du droit de la femme selon eux. وقد وصلوا في إذلالها وتحقيرها كأسيادهم الجاهليين الذين كانوا يرون أن المرأة كالبقرة أو الحمار الذي يورث ويقسم في التركة. Ils sont arrivés dans l'humiliation de la femme et le rabaissement de la femme à être comme leurs prédécesseurs moyenâgeux ou avant, qui considéraient que la femme était comme une vache ou comme un âne qui faisait partie de l'héritage. والحق أن لا عزة ولا شأن ولا كرامة للمرأة إلا باتباع الإسلام وطاعتها لربها واقتدائها بنبيها صلى الله عليه وسلم. La vérité est qu'il n'y a pas de gloire, il n'y a pas d'honneur pour la femme si ce n'est en appliquant l'islam, en obéissant à son Seigneur et en prenant pour exemple son prophète صلى الله عليه وسلم. وبذلك تكون مصانة محفوظة مكرمة لها حقوق يحافظ عليها وعليها واجبات تلتزمها لتربح الآخرة فتلقى السعادة الأبدية. Ainsi, elle sera chaste, elle sera préservée, elle sera honorée, elle aura des droits qui lui sont garantis et elle a des devoirs qu'elle doit faire pour gagner l'au-delà et avoir la félicité qui n'aura pas de fin. فالحمد لله الذي شرف أحبابه وعزهم بالتقوى وأذل أعداءه وخذلهم بالمعصية. La louange est à Allah qui a honoré ceux qu'il a gré et il les a glorifiés par la piété et qui a humilié et ceux qui n'agréaient pas par la désobéissance. لذلك الإنسان عليه أن يلتزم طاعة الله. C'est pour cela que la personne a tout à gagner en obéissant à Allah. فوائد, quelques informations utiles. لقد جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة في العاشر من المحرم ووجد اليهود يصومون فسأل عن ذلك فقيل له إنه في مثل هذا اليوم نجى الله موسى من فرعون. Information utile. Lorsque le messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam était arrivé à Médine, le dixième jour d'Al-Muharram, il a trouvé que les Juifs jeûnaient ce jour-là, le dixième jour d'Al-Muharram de Ashura. Quand il a posé la question à ce sujet, on lui a répondu que c'est en ce jour-là que Allah a sauvé Moussa de Pharaon. فَقَالَ نَحْنُ أَوْلَى بِمُوسَى مِنْهُمْ لِأَنَّ النَّبِيَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى دِينِ الْإِسْلَامِ وَكُلُّ الْأَنْبِيَاءِ عَلَى دِينِ الْإِسْلَامِ. Moussa لم يكن يهوديا, Isa لم يكن نصرانيا. Et le prophète عليه الصلاة والسلام a dit ce qui signifie nous nous sommes prioritaires sur vous concernant Moussa. C'est-à-dire que le prophète Mohammed était sur l'islam et le prophète Moussa était sur l'islam. Moussa n'était pas juif. Donc nous nous sommes prioritaires pour suivre les belles choses qu'avait fait Moussa et pour remercier Dieu pour ce que Dieu a accordé à Moussa. Alors que vous, vous ne suivez pas Moussa, vous prétendez le suivre, mais vous avez falsifié sa loi, d'une part, et d'autre part, si vous aviez suivi véritablement Moïse, vous auriez dû suivre Jésus, quand Jésus a été envoyé, parce que les musulmans doivent suivre le prophète de leur époque. Donc, ceux qui suivaient Moïse et qui n'ont pas suivi Jésus sont sortis de l'islam. Quand Jésus a été envoyé, Jésus a appelé à l'islam, tout comme tous les prophètes. Tout le monde devait suivre Jésus. Donc ceux qui ne l'avaient pas suivi ne sont plus des croyants. Ils ont démenti un prophète, ce ne sont pas des croyants. Ceux qui démentent un prophète ne sont pas des croyants. Et lorsque Mohammed a été envoyé, même ceux qui suivaient Jésus devaient suivre Mohammed. Et ceux qui n'ont pas suivi Mohammed ne sont pas des croyants. Parce que c'est un devoir de suivre le prophète de son époque. Et le dernier des prophètes, c'est Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. D'ailleurs, tous les prophètes ont annoncé sa venue. Tous les prophètes ont dit à leur communauté, il va y avoir un prophète après nous qui va venir, qui sera le dernier des prophètes qui s'appelle Mohammed. Et tous les prophètes ont dit à leur communauté, si jamais vous êtes encore vivant, alors suivez Mohammed. Tous, ils ont dit cela. Ça indique l'honneur que Allah a accordé à notre maître Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Fasama wa amara an-nas bis-sawmi nadban. Alors le prophète a jeûné le jour de Ashura. Il a ordonné aux gens de le jeûner, mais c'est un ordre qui indique un acte surérogatoire. Ce n'est pas un ordre pour quelque chose d'obligatoire. Wa qala la in baqitu ila qabil ay ila al-'am al-ati la asuman at-tasi'. فلم يأتي العام المقبل حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. Et il a dit ce qui signifie, si je vis suffisamment longtemps l'année prochaine, je jeûnerai également le neuvième jour avec le dixième. Mais le prophète était mort cette année-là. ورد في الحديث صيام تاسعاء وعاشوراء ولم يثبت الحادي عشر ولكن نص عليه الفقهاء. Donc ce qui est parvenu dans le hadith, c'est le jeûne du neuvième jour, qui correspond cette année au dimanche 8 septembre 2019, et le dixième jour, qui correspond cette année au lundi 9 septembre 2019. Mais il n'a pas été mentionné le onzième dans le hadith. Cependant, ce sont les faqirs qui en ont parlé. Ils ont dit de jeûner le onzième. صيام يوم عاشوراء ورد فيه أنه يكفر سنة الماضية. Le jeûne du mois de Ashura, il était rapporté que c'est une cause pour l'expiation des péchés de l'année précédente. قال صلى الله عليه وسلم وصوم يوم عاشوراء إني أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله. Et le messager de Allah صلى الله عليه وسلم a dit ce qui signifie concernant le jeûne de Ashura. J'espère de la part de Dieu qu'il soit une cause pour expier les péchés de l'année antérieure. ورد في حديث مختلف فيه أن يكرم الرجل عياله في يوم عاشوراء والعيال من يعولهم الشخص كأولاده وزوجته وغيرهم ممن ينفق عليهم. Il a été rapporté dans un hadith qui fait l'objet de divergences qu'il convient à l'homme d'être généreux avec ceux qui sont à sa charge le jour de Ashura, c'est-à-dire ses enfants, son épouse et d'autres. إذا كان يوم عاشوراء أو عرفة وكانت المرأة حائضا لها أن تقضي هذين اليومين. Si le jour d'Ashura vient ou le jour d'Arafa vient et que la femme avait ses menstrues et qu'elle ne pouvait donc pas jeûner, elle peut rattraper ces deux jours-là. Elle peut les jeûner un autre jour. يستحب التوسعة على الأهل يوم عاشوراء لما ورد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من وسع على أهله يوم عاشوراء وسع الله عليه سائر سنته. أخرجه ابن أبي الدنيا في النفقة على العيال والطبراني في المعجم الكبير والبيهقي في شعب الإيمان. Il est recommandé d'être généreux avec sa famille le jour de Ashura en raison de ce qui est parvenu de Abu Sa'id al-Khudri, qu'Allah l'agré, il a dit, le messager de Allah, sallallahu alayhi wa sallam, m'a dit ce qui signifie, celui qui est généreux avec sa famille, il rachète beaucoup de choses, le jour de Ashura, Allah Ta'ala lui accordera une large subsistance tout le reste de l'année. Cela a été rapporté par Ibn Abi Dunya, dont, à propos de subvenir à la charge de la famille, الطبراني لها بورتيدون المعجم الكبير البيهقي دون شعب الإيمان. وقد قال ابن عابدين الحنفي في حاشيته رد المحتار على الدر المختار الجزء الثاني صفحة 418 قوله وحديث التوسعة إلى آخره وهو من وسع على عياله يوم عاشوراء وسع الله عليه السنة كلها. قال جابر جربته 40 عاما فلم يتخلف. وقال الحطاب المالكي في مواهب الجليل في شرح مختصر خليل الجزء الثاني صفحة 405 ينبغي أن يوسع على الأهل فيهما أي ليلة عاشوراء ويومها فيوسع يومه وليلته من غير إسراف ولا مراءة ولا ممارات. ابن عابدين الحنفي دون صحاشية qui s'appelle « Raddul Muhtar ala Durr al-Mukhtar » tome 2, page 418. Il a dit le hadith de « At-Tawsi'a » jusqu'à la fin, qui signifie « Celui qui est généreux avec sa famille le jour de Ashura, Allah lui accorde une large subsistance tout le reste de l'année. » Jabr a dit « Je l'ai essayé, j'ai fait l'expérience 40 années et à chaque fois ça marchait. 40 ans. » Donc le jour de Ashura, il était généreux avec ceux qui étaient à sa charge, 40 ans, et l'année d'après, il avait une large subsistance. Et Al-Hattab al-Maliki, dans Mawahib al-Jalil, fi Sharh Mukhtasar al-Khalil, tome 2, page 405, a dit « Il convient d'être généreux avec sa famille et ceux qui sont à sa charge durant la nuit de Ashura et le jour de Ashura. » La nuit qui précède Ashura et le jour de Ashura. فيوسع يومه وليلته من غير إسراف. Donc il le fait sans gaspillage, sans excès, sans insincérité. وقال الشيخ عبد الحميد الشرواني الشافعي في حاشيته على تحفة المحتاج الجزء الثالث صفحة 455 قوله وهو عاشر المحرم ويسن التوسعة على العيال في يوم عاشوراء ليوسع الله عليه السنة كلها كما في الحديث الحسن. وقد ذكر غير واحد من رواة الحديث أنه جربه فوجده كذلك. الشيخ عبد الحميد الشرواني الشافعيد dans sa hachia sur le livre Tuhfat al-Muhtaj, tome 3, page 455, il a dit, concernant le dixième jour de Muharram, il est recommandé d'être généreux avec ceux qui sont à sa charge, son épouse, ses enfants, tous ceux qui sont à sa charge, le jour de Ashura, pour que Allah lui accorde une large subsistance tout le reste de l'année. Tout comme cela est parvenu dans le hadith qui est Hassan. Et plus d'un de ceux qui ont rapporté le hadith ont dit qu'ils l'ont expérimenté et qu'ils ont vérifié que c'était ainsi. وإذ قال الشيخ منصور العجيلي الأزهر الشافعي والمعروف بالجمل في حاشيته على شرح المنهج المنهاج الجزء الثاني صفحة 347 ويستحب فيه التوسعة على العيال والأقارب والتصدق على الفقراء والمساكين من غير تكلف فإن لم يجد شيئا فليوسع خلقه ويكف عن ظلمه. Le Cheikh Mansour al-Ajili al-Azhari al-Shafi'i, surnommé al-Jamal, dans sa Hashiya sur le Sharh de Al-Manhaj, tome 2, page 347, a dit « Il est recommandé le jour d'Ashura d'être généreux avec, pour les frais, les dépenses de la famille et des proches parents, de faire des aumônes à ceux qui sont pauvres, à ceux qui sont miséreux, sans se charger plus qu'il ne peut supporter. » Et s'il n'a pas trouvé, alors qu'il fasse en sorte que son comportement soit excellent et qu'il cesse son injustice. Wallahu ta'ala a'lam wa ahkam wa barakallahu fikum. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات وبارك الله فيكم.